chez rouge, un bateau bleu, des cyprès bougent pour dire adieu, et tu m'emportes entre tes bras. Demain, qu'importe, je suis à toi. Et tu me berces.